On va parler avec Marc Griffin de son livre, un peu la biographie de Marc. Salut Marc! Comment ça va, Dan? Ça va bien, ça va bien. Le numéro 26, c'est le livre. Je suis allé l'acheter, mais je n'ai pas commencé parce qu'il y a beaucoup de livres aussi. En fait, c'est la biographie, c'est ta biographie là-dedans. Hein? Ben, en fait, c'est un récit autobiographique. J'insiste là-dessus parce que ça fait longtemps qu'on m'en a parlé, que ça serait le fun. Puis moi, je me voyais pas écrire, tu sais, par exemple, à l'imparfait. Puis là, dire, ben, il m'est arrivé ici, puis ça m'a fait devenir ça. Puis c'est correct, là, ceux qui le font, j'ai pas de problème. Sauf que ça venait pas de me rejoindre, moi. Okay. Et là, ce qu'on a tout, j'ai trouvé le filon de dire, je vais l'écrire au présent, et je vais l'écrire sous forme d'une histoire. Là, je trouve que c'est venu me rejoindre parce que l'objectif, vraiment, il y a deux choses. Un, c'est, tu sais, j'ai trois garçons, je m'implique beaucoup auprès des jeunes, puis je trouvais que les jeunes avaient besoin de lire, premièrement, et de lire une histoire qui est le fun, qui est belle, qui fait rêver. Parce que moi, j'étais un grand rêveur quand j'étais petit. Je voulais être Peter Stachny, je voulais être Gary Carter, puis je voulais aller aux Jeux Olympiques, puis je voulais faire ci. Puis je voulais chaque sport qui m'attirait, ben je voulais atteindre ça à son plus haut niveau. Ouais. Mais bon, j'ai fait mon petit bout de chemin, puis là, je me suis retrouvé sur les mêmes terrains que Gary Carter, puis Tim Raines, puis bon. Fait que l'histoire est le fun, tu sais, l'histoire est belle, mais je voulais que ce soit moi qui l'écrive parce que je voulais que tu sois dans ma tête lorsque tu les lis. Puis là, ce livre-là prend de la maturité, tu sais, dans le sens que l'écriture prend de la maturité au fil du livre pour que ça suive évidemment le cours de l'histoire. Puis je pense que le résultat est bien, bien fun. Ah ouais, ça ressemble-tu un peu à, je sais pas si tu connais la collection Raconte-moi. Je sais pas si c'est-tu un peu comme ça? Ben, non, c'est très différent. Ça ressemble beaucoup plus à ce que mettons, Luc Gélina a fait avec avec sa série. Tu sais, puis moi, ben, j'ai voulu faire ça avec plus de détails. Tu sais, c'est excellent ce qu'ils font, là, les Raconte-moi, je trouve ça très, très, très bon, là. Mais je voulais un petit peu aller ailleurs avec ça, puis je trouve ça le fun, tu sais, d'en faire un sur le baseball, puis vu que j'étais un gars d'ici, ben, ça faisait quelque chose de bien sympathique de le raconter. Puis, comme j'ai dit, ce que j'aime jusqu'à maintenant des commentaires que j'ai, c'est que beaucoup de monde a retenu des passages différents de mon livre. Okay. Fait que je trouve ça le fun que ça soit pas, mettons, un événement ou deux. C'est vraiment, ça a accroché des gens à différents endroits. Puis je l'ai écrit en pensant aux jeunes, mais évidemment, tous ceux qui ont vécu l'époque des expos, ben, vont aussi se reconnaître un petit peu là-dedans, là. Ben, c'est sûr. Est-ce que tu parles, parce que moi, je me rappelle de Mark Griffin comme joueur, c'était à l'époque que les expos, il y avait les expos et Dodgers, et les expos avaient refusé ton bonus de signature qui était de 100 000 $ à l'époque. Ça, je me rappelle, les lignes ouvertes, ça dérougissait pas, les gens étaient furieux contre Claude Bochu. Est-ce que t'en parles là-dedans, dans le livre? Oui, non, je parle effectivement de tout cet aspect-là, de négociation, puis moi, du petit rêveur qui est tombé dans la business du sport. Okay. Tu sais, je veux dire, je suis tombé dedans parce que moi, là, le premier contrat qu'on m'a offert, c'est les expos qui me l'ont offert. Puis là, donnez-moi un stylo, moi, signer ça, là, tu sais. Et là, c'est vrai que mon père est intervenu un peu, puis il disait, un instant, là, tu sais, on a d'autres équipes, des joueurs autonomes, parce qu'à l'époque, moi, un joueur canadien qui joue au Canada, on était des joueurs autonomes. Aujourd'hui, c'est pas pareil, tu dois passer par le repêchage. Ouais. Mais à l'époque, je pouvais avoir cet avantage-là. Et là, je raconte ces événements-là où on négocie, puis l'arrivée des Dodgers dans le portrait, puis la façon dont ils m'ont offert leur contrat, puis la réplique des expos, puis tout ce qui s'en est suivi. C'est des choses que je raconte dans le livre, mais je le raconte comme moi je le vivais. Okay. Tu sais, alors mon père m'arrivait, il m'a dit, il m'appelle, bon, je viens de recevoir un appel des Dodgers, ils t'offrent telle affaire, puis là, les expos viennent te voir, puis tu sais, Bill Stroman était venu à Québec, puis Pat Gillick était venu au parc Henri Cazot à Charlebourg me voir jouer, puis les Dodgers qui font venir trois personnes des États pour me voir jouer. Fait que c'est toutes des petites choses que je raconte dans le livre, puis les raisons pour lesquelles j'ai pris les décisions à l'époque. Tu as parlé de rêve, Marc. Moi, je me rappelle, comme je te dis, je l'ai pas lu encore, mais sûrement, tu sais, je me rappelle une discussion que tu avais eue l'année passée avec, parce que j'ai fait une entrevue l'année passée avec Abraham Taureau. Là, c'est sûr, on en parle beaucoup, mais l'année passée, j'avais parlé, puis Abraham, on parlait des sacrifices de jouer dans les ligues mineures. Abraham, il avait même pas de cellulaire, il gagnait 1 000 $, il était 3-4 dans l'appartement. Il faut être passionné en tabarouette là pour faire ça. Là. Est-ce que tu en parles dans le livre de ça, ouais, des ligues mineures? Puis comment que les joueurs des ligues mineures sont pas Ils sont pas assez payés comparativement à ce qu'ils gagnent au majeur. Non, c'est ridicule. Non, c'est ridicule. Puis oui, j'en parle. Puis moi, en plus, à l'époque, je n'avais pas de cellulaire. Mais non, écoute, oui, je le dis, regarde, on est 3-4 joueurs dans un 4,5. Puis regarde, c'est comme ça, là. Ouais. C'est ça la vie. Mais tu sais, en réécrivant ça, tu sais, ça fait quand même plusieurs années. Fait que j'ai du recul, j'écris ça, puis je me dis, hey, on se lance vraiment dans la gueule du loup quand on s'en va là-dedans. Parce que t'sais, ce que Abraham vit en ce moment, là, ben, c'est exactement ce que je vivais à l'époque, dans le sens que j'avais été invité au camp des ligues majeures des Dodgers. Les Dodgers venaient de remporter la Série mondiale. Tu comprends? Il y a un lien très fort avec ce qu'Abraham vit présentement. Je suis tellement content qu'il se démarque, qu'il saisit l'occasion. Parce que là, ce qu'on voit, c'est beau, c'est le fun. Mais les années, puis les mois, puis les semaines que tu passes dans les rangs mineurs en autobus, puis t'as pas d'argent, là, on va se le dire, dans les mineurs de baseball, il n'y a pas d'argent, tout ça passe en haut. Mais c'est fait comme ça. C'est fait pour pas que tu traînes. Tu sais, au hockey, tu peux jouer dans l'américaine, puis après ça, aller en Europe, puis bien gagner ta vie quand même à jouer au hockey jusqu'à 30, 35 ans. Le baseball n'est pas fait comme ça. Le baseball est fait pour que tu joues dans les majeurs. Puis si après 5, 6 ans, 7 ans de les mineurs, c'est sûr que tu vas décrocher. T'es allé faire 1 000$ par mois pendant 6 mois, là, tu sais. Ouais. C'est fait comme ça. Puis on semble pas vouloir le changer, en tout cas, pas dans un avenir rapproché. Alors, c'est des choses que je raconte effectivement dans le livre. Avec le recul, Marc, et puis avec ce que tu sais puis ce que tu fais, là, est-ce que tu as pris la bonne décision à l'époque? Mettons que la décision, ça reprend. Est-ce que les Dodgers, les Expos, les Blue Jays, est-ce que tu reprendrais la même décision? Oui, absolument. Absolument. Je reprendrais la même décision. Ben, surtout compte tenu de, tu sais, je vais pas faire le débat des Expos de Montréal, mais tu sais, j'espère juste que s'il y a un retour des Expos, on n'agira pas de la même façon. Parce que, on avait peur d'investir dans les Québécois. Pourtant, on était des joueurs autonomes. Mm. Et je me souviens, Jacques Doucet, elle était même allé voir la direction à l'époque, puis elle avait dit, pourquoi vous faites pas un pool, là, de, je sais pas moi, à l'époque, 50 000 $ que vous mettez pour des joueurs québécois. Puis si dans une année ou deux, il y a personne, ben, tu le remets dans le pool. Puis si un jour, il y a un Éric Gagné qui arrive, puis on a besoin de le signer, ben, t'auras l'argent pour. Tu sais, puis on était des Québécois très américanisés. Tu sais, que, tu sais, on avait peur de prendre des décisions, qui vont favoriser, par exemple, un joueur local. Pourtant, là, c'est la fierté. Quand un gars de Saint-Louis est repêché par les Cards, là, on est fou, on est content, on trouve ça le fun. Mais ici, c'était pas comme ça. Puis je trouvais ça juste malheureux. Un gars comme Alex Agostino qui a gagné le prix du recruteur de l'année dans l'État de New York. T'as vu ça passer? Ben oui. Ça démontre à quelque part que le baseball au Québec a évolué beaucoup, là. Ben, tu sais, puis honnêtement, encore une fois, je me répète, là, mais si éventuellement il y a un retour du baseball à Montréal, tu sais, est-ce que Alex Agostino, est-ce que des gars comme même Michel Laplante, tu sais, ces gars-là qui, tu sais, en tout cas, selon moi, mériteraient d'avoir une opportunité de faire partie d'une organisation des ligues majeures au Québec. Peut-être qu'à l'époque, on formait pas ce monde-là, mais là, aujourd'hui, on a déjà, tu sais, Alex Antopoulos, tu connais son histoire. Je veux dire, tu sais, ça serait le fun que toute cette gang-là, on puisse à être impliqué dans le retour éventuel, et je parle dans l'organisation même, baseball de des futurs expos. Ça serait bien le fun, ça serait mérité. Les gars ont gagné leur galon. Puis le baseball au Canada et au Québec ne s'est jamais mieux comporté. Écoute, on approche, je pense qu'on est rendu au-dessus de 60 jeunes dans les collèges américains présentement. C'est jamais vu, là. Non, c'est sûr. Marc, tu sais, t'as un gars comme Russell Martin, qui, moi, je suis convaincu que ce gars-là va être gérant du baseball un jour. Il est pas si loin que ça, là. T'sais, Russell, il reste quoi, 2-3 ans maximum de sa carrière de joueur? Tu es à peu près certain que lui, il va être gérant. D'ailleurs, c'est lui qui a coaché le dernier match des Blue Jays l'année passée. Fait que ça te donne Tu regardes, tu sais, il y a beaucoup d'anciens receveurs qui deviennent gérants. Fait que ça peut avoir une suite logique. T'sais, Russell, je le connais très bien. Je pense qu'il a effectivement les atouts pour. Ce sera à lui de prendre la décision. Je pense qu'il n'est pas prêt encore parce que, honnêtement, comme joueur de baseball, la journée que tu commences à penser à ton plan B ou la suite de ta carrière, c'est là que la carrière a cesse vraiment. Puis je pense que Russell était assez clair au cours des derniers jours qu'il veut continuer à jouer. Fait que même si tu lui poses la question aujourd'hui, il pourra pas te répondre, tu sais, parce que honnêtement, c'est pas lui-même, mais c'est clair qu'il a les caractéristiques pour en être un. Donc c'est en vente un peu partout. C'est même été, ça a même été sorti avant, parce que j'ai été surpris, parce que normalement, écoute Marc, en région, ça arrive toujours une semaine en retard. Ça fait une couple de jours que c'est en vente, d'après moi. Tu sais, t'as eu le lancement mercredi, mais... Exact. Ce qu'on voulait faire, en fait, c'est de s'assurer qu'une fois que, tu sais, ben évidemment, lorsque tu fais un lancement, c'est médiatisé un peu. Ouais. Alors, on voulait s'assurer que tout le monde ait une copie dans les différentes librairies. Alors que là, quand tu fais le lancement, ben il est disponible d'ores et déjà. Tu sais, c'était quelque chose de pensé à ce niveau-là. Puis je trouve ça bien. Parce qu'en région, il arrive toujours un peu plus tard aussi. Puis il y a eu une belle soirée mercredi soir. J'ai vu beaucoup de photos sur les médias sociaux. Mon chum Frédéric Degg était là également. Fait que non, c'était vraiment bien organisé. C'est en vente déjà. C'est à la maison édition. Marc, veux-tu le rappeler? Je sais que c'est ta conjointe. C'est la maison. Oui, c'est de Mortagne. C'est la maison d'édition de Mortagne. Et puis écoutez, moi, comme je vous dis, il y a pas de controverse dans mon livre. Non. Là, je cherche pas à. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un livre qui est le fun. C'est une belle lecture simple. Mais je pense que beaucoup de monde, peu importe, même si c'est pas du baseball, tu sais, les gens vont se retrouver dans ce livre-là d'une manière quelconque. Évidemment, je vous le recommande, mais je pense que les gens ne seront pas déçus. Puis, il y a beaucoup de passion puis d'acharnement aussi, parce que quand tu joues dans le baseball mineur, il faut que tu aies un rêve à quelque part, puis c'est ça. Hey Marc, en terminant, tu n'as pas parlé de controverse. Je ne veux pas en faire de controverse, là, par contre, parce que je sais c'est quoi un livre. Je me doute c'est quoi écrire un livre. Il y a beaucoup, beaucoup de travail en arrière de ça. Sauf qu'il y a un livre qui va sortir sur l'histoire du baseball au Québec. Et je trouve, puis je vais y parler à Marc Defoy, là, qui est du Journal de Montréal. Je trouve ça dommage, puis je n'ai pas fait de controverse, mais je trouve ça très dommage que les capitales de Québec ont été oubliées, parce que moi, je pense que les capitales font partie intégrante de l'histoire du baseball au Québec. Je suis pas si d'accord avec moi. Ben, écoute, j'ai pas vu encore le livre. Je savais qu'il allait sortir, mais là, si tu me dis que les capitales ne font pas partie de l'histoire du baseball au Québec, là, je trouverais ça malheureux, parce que, écoute, ça fait 20 ans que ça fonctionne. Tu sais, moi, là, s'il y a un mot, tu me demandes, là, tu sais, dis-moi un mot qui décrit les capitales de Québec, je vais te dire succès. C'est depuis le début, c'est un succès. Puis contre vents et marées, il faut le dire, parce qu'au début, il y a beaucoup de monde qui doutait de ça. Mais tu regardes ce qui se passe, là, écoute, la région de Québec a été de loin celle la plus populeuse en termes de baseball pour les jeunes pendant longtemps. C'est directement lié à la présence des capitales de Québec. Tu sais, tantôt, je disais, pour faire rêver, là, ben, il y a des jeunes qui rêvent d'aller jouer au stade Canac en ce moment, puis peut-être d'aller jouer pour les capitales de Québec. Donc, ça fait, il n'y a aucun autre, dans mon esprit, que ça fait partie de l'histoire du baseball au Québec. Ben écoute, puis ça a recommencé, les capitales. Quand il y a eu les expos sont partis, il y a eu vraiment un deuil. Moi, le premier, je voulais plus rien savoir du baseball. Puis à un moment donné, les capitales, Michel Laplante a tenu ça à bout de bras. Exact. C'est très bon ce que tu dis, parce que l'été 2005, ça a été désastreux. Là, les expos sont partis en 2004. Mais les capitales ont continué de se battre dans ça. Puis ils sont responsables, à quelque part, là, à un certain pourcentage certainement, de revoir le baseball reprendre ses lettres de noblesse qu'ils avaient dans les années 80. Absolument. Oui, effectivement. Marc, donc un gros merci. On va s'en parler de l'actualité dans le monde du baseball tantôt. Parfait, Dan. Merci beaucoup. Collaborateur Marc.